Les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, données aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée, relativement à la publication du communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a mis en cause le lancement d'essais de notre engin balistique stratégique à longue et moyenne portée sol-sol, ont été distribués le 24 comme dossier officiel numéro 1-71-796-S-2017-139 de l'Assemblée générale de l'ONU et de son Conseil de sécurité.